Hey, punk, punk. C'est parce qu'on est tous différents. Hey. C'est parce qu'on est tous différents que la logique a fait que l'union fait la force. Il faudrait resserrer les rangs si un jour on espère défoncer leurs portes. J'ai vu des gens qu'on a mis de côté, des hommes en or souvent sous-cotés. Quand les idées finissent ligotées, ouais, dis-moi toi tu ferais quoi? C'est parce qu'on est tous différents que la logique a fait que l'union fait la force. Il faudrait resserrer les rangs si un jour on espère défoncer leurs portes. J'ai vu des gens qu'on a mis de côté, des hommes en or souvent sous-cotés. Quand les idées finissent ligotées, ouais, dis-moi toi tu ferais quoi? Y'avait ce gamin dans les couloirs de l'école, celui qu'on bousculait car il a pas les mêmes codes. Un peu tête en l'air, on sait pas trop où il est. Combien de fois il s'est fait voler sa paire d'AirPods? Maman galère seule parce que papa est absent. On sait pas trop ce qu'il est devenu. Malgré ses appels, on dirait qu'il a pas le temps. 10 ans qu'il est pas revenu. Obligé de grandir quand même, mais déjà très tôt viennent les premiers problèmes. Histoire d'amour qui n'aboutit jamais, bien trop distante et souvent désarmée. Et tu sens bien que t'es pas comme les autres, trouver ta place toi ça te prend des années. Tes camarades s'amusent à te vanner, t'es souvent tout seul, la vie t'a condamné. C'est parce qu'on est tous différents que la logique a fait que l'union fait la force. Il faudrait resserrer les rangs si un jour on espère défoncer leurs portes. J'ai vu des gens qu'on a mis de côté, des hommes en or souvent sous-cotés. Quand les idées finissent ligotées, dis-moi toi tu ferais quoi? Hey, c'est parce qu'on est tous différents que la logique a fait que l'union fait la force. Il faudrait resserrer les rangs si un jour on espère défoncer leurs portes. J'ai vu des gens qu'on a mis de côté, des hommes en or souvent sous-cotés. Quand les idées finissent ligotées, ouais, dis-moi toi tu ferais quoi? Elle était belle mais la vie lui a joué des tours. Brûlure au troisième degré, elle a laissé tomber, elle ne cherchait même plus l'amour. Le visage défiguré, les autres se moquent d'elle, elle le sait très bien. Mais depuis gamine elle encaisse, elle dit rien. Elle dit qu'elle va bien, mais seule dans son lit, elle va pleurer toutes ses larmes jusqu'à demain. La différence fait peur, tous les gens s'enfuyant. On préfère se cacher qu'affronter les regards. Et souvent ça m'écœure de voir tous les passants qui font des mines fâchées et regardent autre part. À croire que l'apparence est le reflet de l'âme. Mais tu sais ce que j'en pense, cette idée je blâme. On perdra tous 21 grammes, le jour de la sentence est irrévocable. C'est parce qu'on est tous différents que la logique a fait que l'union fait la force. Il faudrait resserrer les rangs si un jour on espère défoncer leurs portes. J'ai vu des gens qu'on a mis de côté, des hommes en or souvent sous-cotés. Quand les idées finissent ligotées, dis-moi toi tu ferais quoi? C'est parce qu'on est tous différents que la logique a fait que l'union fait la force. Il faudrait resserrer les rangs si un jour on espère défoncer leurs portes. J'ai vu des gens qu'on a mis de côté, des hommes en or souvent sous-cotés. Quand les idées finissent ligotées, dis-moi toi tu ferais quoi?